Chapitre 32e. Madame d'Alifar ne s'en tenait pas à M. de la Branche seul pour l'éclairer dans la direction de ses affaires. À côté du notaire, elle avait un autre conseil, et celui-là était d'un genre tout particulier. Au notaire, elle confiait ses grandes affaires, celles qui devaient marcher franchement et en plein jour. Pour les autres, c'est-à-dire pour celles qui présentaient des difficultés de direction et qui étaient plus ou moins véreuses, elle s'adressait à un vieil homme de loi qu'elle consultait depuis 40 ans. Le seul homme de loi dit qu'était M. Serbelot, qui n'étant ni notaire, ni avocat, ni avoué, ni huissier, cumulait les diverses attributions de ses officiers ministériels en leur faisant subir, bien entendu, toutes les modifications de forme que son incapacité légale lui imposait. Ainsi, chez lui et sous sa plume, tous les actes que reçoivent les notaires se transformaient en sous-saints, et tous ceux qui sont du ressort des avoués et des huissiers se changeaient en transactions. Par son ministère, on échangeait un papier, et l'affaire était faite. Une feuille de papier timbré écrite par lui, signée par les parties, et toutes les formalités de loi si longues, si compliquées, si coûteuses, étaient éludées. Cela valait ce que cela valait, mais au moins cela allait vite et ne coûtait pas cher. Ces deux qualités, la rapidité et le bon marché, n'étaient pas les seules que Serbelot offrit à sa clientèle. Il en avait encore une autre, d'un plus grand prix, la facilité de l'abord. Avec lui, on n'avait point à faire antichambre, et après des heures perdues dans l'attente, on ne se trouvait point en présence d'un monsieur plus ou moins gourmé, qui trop souvent emprunte avec ses clients les procédés de gravité et d'intimidation du magistrat. Chez Serbelot, qui habitait une vieille maison de la rue du Parc Royal, on était reçu aussitôt qu'on se présentait, depuis 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, et tout de suite on se trouvait à son aise. L'homme qui connaissait les affaires comme celui qui ne les connaissait pas était mis à même d'expliquer franchement son cas. Serbelot entendait tout, comprenait tout. Avec lui, pas de réticence. Les consciences comme les langues sentaient d'instinct qu'elle n'avait pas besoin de se gêner. Le petit marchand parisien est comme le paysan. Il a peur de ceux qui, se tenant au-dessus de lui, veulent lui en imposer. Aussi le nombre de ceux qui vont chez l'homme de loi plutôt que chez l'avoué ou chez le notaire est-il considérable. En s'adressant à Serbelot, Madame d'Alifar obéissait, jusqu'à un certain point, à ce sentiment. Elle le dominait. Tandis que chez M. de la Branche, elle était elle-même dominée par la loi, dont le notaire était le représentant immédiat. Avec Serbelot, elle n'avait pas besoin de précautions ni de circonlocutions. Elle disait ce qu'elle voulait, et ce qui lui convenait d'insinuer seulement était aussitôt compris par l'homme de loi, qui lui offrait toujours un moyen pour sortir adroitement et sans bruit de l'embarras qui la tourmentait. Il y a tant de chemins dans les affaires, tant de sentiers détournés dans le labyrinthe de la légalité. Partie de Nogent pour aller rue Feydeau, Madame d'Alifar réfléchit en route qu'elle ferait bien de passer d'abord rue du Parc Royal et de consulter Serbelot. Dans les événements qui pouvaient résulter de la constatation qu'elle recherchait, il y avait des points qui l'embarrassaient, notamment quant aux effets produits par la séparation de corps sur les dispositions du contrat de mariage. Depuis qu'elle avait admis la possibilité de cette séparation, elle avait passé plus d'une soirée en veillant son petit-fils à feuilleter le code. Mais comme cela lui arrivait toujours lorsqu'elle voulait interroger la loi, elle s'était embrouillée dans des articles contradictoires et elle ne voyait pas clairement quels effets cette séparation de corps pourrait avoir quant à la fortune de son fils et surtout quant à la sienne. Elle rêvait des résultats merveilleux, mais les rêves ne lui suffisaient pas, il lui fallait la certitude, Serbelot devait la lui donner. Quand le vieil homme de loi vit Madame d'Alifar entrer dans son misérable cabinet, meublé seulement d'un bureau noir et de 3 chaises de paille crasseuse, il se leva vivement et avec toutes les démonstrations de la déférence, il lui offrit le fauteuil sur lequel il était assis. C'était là une marque de respect qu'il ne donnait à personne, mais qu'il croyait devoir à sa riche cliente. Chaque fois, Madame d'Alifar refusait, mais toujours il réitérait son offre d'un ton qui disait « Je ne fais cela pour personne ». Mais vous êtes au-dessus du commun des mortels. « Que me vaut l'honneur de votre visite ? » dit-il en déposant sa calotte de cuir avachi comme un vieux soulier et en restant debout tandis que Madame d'Alifar s'asseyait sur une chaise. « Je viens vous demander un avis. » Il s'inclina et en attendant que Madame d'Alifard s'expliquât, il s'occupa à faire tomber dans sa tabatière les grains de tabac qui couvraient le bureau, mêlés à la sciure de bois avec laquelle il séchait son encre. « C'est un avis, dit-elle, qui ne s'applique pas à une affaire présente, mais à une affaire possible dans un délai éloigné et qui d'ailleurs ne me touche pas personnellement. Alors c'est une sorte de cours de droit que vous désirez. Sur quel sujet ? Sur la séparation de corps. Le sujet est long à traiter. Il ne s'agit pas pour moi de savoir tous les effets que peut produire la séparation de corps, mais seulement ceux qui peuvent profiter à celui des époux qui l'obtient. Pour ne pas faire de la théorie qui nous entraînerait bien loin, il faudrait savoir comment sont mariés les époux, le régime qu'ils ont adopté et les donations qu'ils ont pu se faire, les successions qui leur sont échues. Voyez-vous des inconvénients à me répondre là-dessus ? Aucun. Ils sont mariés sous le régime de la communauté et il y a eu donation par le mari de la portion disponible. Pas de succession recueillie. Bon, alors c'est bien simple. La communauté est dissoute et l'époux contre lequel la séparation est admise perd tous les avantages que l'autre époux lui avait faits. Cela est parfait. Ainsi, la donation de la portion disponible faite par contrat de mariage est annulée, assurément. Quant aux enfants, ils sont remis à celui qui obtient la séparation, n'est-ce pas ? Généralement, à moins que pour le plus grand avantage de ses enfants, on ne le remette à une tierce personne. Une tierce personne ? Je comprends. Très bien, la loi est bonne. La loi est toujours bonne quand elle s'accorde avec nos intérêts ou nos désirs, mauvaise quand elle les contrarie. Heureusement, les hommes de loi sont là pour travailler à cet accord, et avec un peu d'adresse, on peut réussir. Ce n'était pas de réflexion philosophique que Madame d'Alifard avait besoin, mais de conseils pratiques. « Si une succession était tombée dans la communauté, dit-elle, ou si elle y tombait avant la séparation, l'époux contre lequel cette séparation serait prononcée en profiterait pour sa part ? Assurément. De sorte que dans le cas où l'on craint de voir une riche succession tomber dans la communauté, il faut faire tout de suite prononcer la séparation. Sans doute. Seulement, les séparations de corps ne se prononcent pas ainsi à volonté. Il faut des faits certains, des preuves. Si l'on prouve qu'une femme va chez son amant, si elle y va, c'est quelque chose. Mais ce qui est tout, c'est qu'elle y reste, parce qu'alors on peut constater le flagrant délit. Le flagrant délit constaté, le mari dépose une plainte en adultère et la séparation est tout de suite prononcée. C'est très commode et tout à fait à l'usage des gens du monde qui veulent éviter le bruit. Mais peut-être, dans l'espèce, ne s'agit-il pas de gens du monde ? Madame d'Alifard se dispensa de répondre à cette demande, que le vieil homme de loi semblait avoir faite d'ailleurs pour montrer qu'il ne soupçonnait pas de quelle personne il s'agissait. Depuis qu'elle était renseignée sur les effets légaux de la séparation de corps, elle était torturée par une autre question qui se posait fiévreusement dans son esprit, et à cette question ce n'était pas Serbelot qui pouvait répondre. Elle le quitta donc et regagna sa voiture, où le petit Félix, ce qu'elle avait emmené avec elle, s'ennuyait et se fâchait. « Allons voir maman, » dit-il quand sa grand-mère remonta près de lui. « Pas tout de suite, j'ai des courses à faire encore. Je veux voir maman tout de suite, ça m'ennuie de rester dans la voiture. Si tu ne veux pas me conduire tout de suite chez maman, fais-moi monter avec toi là où tu vas. » Elle donna à son cocher l'adresse du docteur Clou. « Je ne veux pas voir le médecin, » cria Félix. Madame d'Alifard l'apaisa en lui promettant qu'il resterait dans la voiture. « Docteur, dit Madame d'Alifard en entrant dans le cabinet de son médecin, vous êtes un homme sincère, je m'en flatte. Eh bien, je viens à vous pour que vous me donniez une marque certaine de cette sincérité. Je suis à vos ordres. Combien de temps me donnez-vous à vivre ? Eh, ma chère madame, ce n'est pas là une question que l'on fait à son médecin. » Et à qui voulez-vous que je la fasse ? J'ai besoin, vous entendez, vous comprenez, j'ai besoin de savoir si je ne serai pas morte avant 3 mois. Répondez-moi franchement, en toute sincérité. Et si vous croyez que je sois exposé à mourir avant ces 3 mois, arrangez-vous comme vous voudrez, pour me faire vivre jusque-là. Je ferai tout ce que vous ordonnerez, je m'envelopperai dans du coton, je ne mangerai plus, je ne bougerai plus, je dormirai s'il le faut jour et nuit. Conservez-moi à l'état de momie, si vous ne pouvez pas faire mieux, mais que je vive. « Eh, ma chère dame, s'écria le docteur, qui vous a mis dans la tête que vous deviez mourir ? Ne suis-je pas malade ? Vous l'avez été, mais avec les précautions que nous avons cru devoir prendre, tout danger a été conjuré. » Il l'a été. Il l'est et il le sera. Si vous voulez bien continuer ces précautions, restez à la campagne. Ne vous tourmentez point. Pas de fièvre, pas d'émotion, pas de fatigue. Et ce n'est pas 3 mois que je vous assure, c'est 10 ans, c'est 20 ans. C'est de 3 mois seulement que j'ai besoin. Après, peu m'importe. Mais pendant ces 3 mois, il faut que vous vous arrangiez pour que je puisse supporter la fièvre et les émotions sans en mourir. Car ces émotions, je les aurai, je les ai. Le docteur Clos était habitué aux manières de Madame Dalifard et à sa tyrannie, qui prétendait régenter jusqu'à la médecine. Il ne se fâcha pas contre elle et il lui promit ses 3 mois. « Seulement, dit-il, n'oubliez pas que je vous recommande le calme, et si vous vous donnez la fièvre, soyez prévenu que je ne réponds de rien. « Il faut que je l'aie, dit-elle, mais je vais m'arranger pour l'avoir aussi peu de temps que possible. « Nous allons voir maman, répéta Félix lorsqu'elle remonta en voiture. « Non, pas encore. « Alors je vais rentrer avec toi. « Non, mon petit Félix, non. » Et ouvrant la glace, elle donna au cocher l'adresse de la rue Feydeau.